comme les gosses n'ont pas peur de l'ivresse. Ils sont enfants du vent et de la pluie. Ils n'ont peur ni du temps ni de l'ennui. Depuis toujours je pense au petit bout de terre au nord de l'Angleterre. Je quitterai la France. Je goûterai le silence là-bas dans les Highlands. Comme il n'y a pas de